Ouais, BM, double, bah, tout est, bah, c'est le neuf, bah, le prince rafale sur le roi, je sors le, bah, tout le monde, bah, Hermès, Dolce, là-bas, bah, y allez, bah, Giro, et frère, détail de là, bah, peine de, bah, charge-le, bah, on les bagarre, on les, bah, je rentre chez, récupère mon, bah, j'appelle mon gars qui me ramène de là, bah, je vais sur le Rhin, bah, faire une sortie comme, bah, mon film me dit qu'aujourd'hui c'est, j'écoute même pas, je me sers un verre d'eux, bah, je demande au tartin, je décris mon œuf, bah, un enfant restez moi là, la grosse mou, wow. Envoie tes mandats tous les mecs au cas, wow. Ça sent la tête pas, j'tape une dernière frappe, wow. J'suis dans les cités, j'travaille comme un art, Artenapi, le dealer c'est fait, wow. Avec des kilos, des quêtes plats de feu, wow. C'est encore le baveux, celui qui porte la qui, wow. Qui sort du rush là pour une maxi quiche, wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule, tout est, cag. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3, empire, tout est, wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule, tout est, cag. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3, empire, tout est, elle, moi, c'est comme Hussein, toi. Je t'aime pas, mais je vais rester sympa. Mais qu'à la et moi, je pense pas. Par où je suis passé, c'est comme un trou noir. À l'époque, personne voulait de moi. Mais moi, moi, moi, j'ai pas perdu la mémoire. Vérité, c'est putain de combat. T'es qui t'a fait quoi, je m'en bats. De balise à combat. Tout métier, c'est sans combat. Un smic et demi sur la taille, wow. 3-9 milli sur la schneck, wow. Si tu la montes, tu la payes, wow. 9-3 empire du racket, wow. 9-3 empire sur la tape, wow. 9-3 empire sur la scène, wow. 9-3 empire en mieux, wow. Près 9 grammes en chico en deux. Y'a du sport français sous la sape italienne. Mi capitaliste, mi alien. Mi super saiyan, mi gosse, mi menace iranienne. Mon écuyer chargé le cayenne, wow. C'est mani la mitraille, j'ai mani la mitraillette. Sauvage, sauvage. J'écris des chansons hardcore, mi satanique, mi païenne. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule, tout est, cag. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3, empire, tout est, wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule, tout est, cag. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3, empire, tout est, je m'endors et je me réveille dans de la livréance, wow. Ma soeur fait pour la porte, wow. Et fait des étudiants, wow. C'est mon VVS avec un banquier hongrois, wow. Dans les bons moments, wow. Dans les meilleurs endroits, wow. Fais pas les empas, on va vous laisser en quoi, wow. J'ai la coupe à GoPro, wow. Demande un brocard, la moitié de mon repas, c'est ton envie du mois, wow. J'ai mis des micros, les effets et navas, wow. Mon moteur du GLE, la conversion de ma voix, wow. Pense à l'instiga, j'ai pas croisé un black queue. Que des gérants de four, ouais des mecs du 9, wow. Ouais des mecs de chez moi, wow. Vite scam, un négro dans triple S Valenciaga. Sur un casse, personne arrive en retard, ça va streamer ce soir comme une hagra. Une légende qui vient pour faire du carnage avec un flingue avarié, papa. Chacun son délire comme vague, moi je casse la démarche. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. De scar la négro dans triple S Balenciaga. Si un 4 personnes arrive en retard, ça va trimer ce soir comme une hangra. Tout est, tout est,